Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On va parler des Sabres d'Orberval avec notre ami Jason Lajeunesse, les Sabres d'Orberval qui entament leur deuxième saison. On en parle avec l'instructeur. Salut Jason. Salut Danny. Oui Jason, à quoi s'attendre de cette deuxième saison? À quoi s'attendre? Une plus belle saison que l'année passée, je pense. Okay. On a attiré là, pas mal plus de joueurs cette année. Là. De l'extérieur, pas de l'extérieur, là, mais de Metavetchouan, Saint-Bruno, dans ce coin-là. Là, que l'année passée, ils n'étaient pas venus, puis là, cette année, ils sont venus. Okay. J'ai eu on devrait avoir une équipe plus complète. Ouais, j'ai eu un oui-dire que, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un entraîneur, que vous avez nommé un entraîneur adjoint qui vient de Saint-Bruno, puis il a amené pas mal ses contacts, c'est tout ça? Ben oui, on a un nouvel entraîneur adjoint, là, Guillaume Gué, qui vient de Saint-Bruno. Que, oui, tu sais, il connaît tous les joueurs de ce coin-là. Fait que ça, oui, ça aide pas mal. OK, OK. Si on y allait maintenant, la force de ton équipe, c'est quoi? Ça va être la vitesse. Cette année, ça va être la vitesse. On va être une équipe rapide, physique. On va être dur à jouer contre. Là. Je pense qu'on va se présenter à chaque match. OK, OK. Et, ça va être difficile de jouer contre nous. OK. Si on y allait maintenant, donc l'année passée, as-tu fait des nouveaux joueurs de cette année? Des gros joueurs. Des nouveaux joueurs? Ah, des nouveaux joueurs, oui. J'en ai juste 11 là qui reviennent dans l'année passée. OK, que, monsieur. Oui, j'ai beaucoup de nouveaux joueurs. OK. Ouais. OK. Donc, est-ce que c'est difficile de faire une chimie quand on ne se connaît pas ou. Non, ben là, cette année, je pense que tous les joueurs, on va avoir une équipe jeune, beaucoup de 18 ans, beaucoup de 19 ans. Et après ça, j'ai juste 4-20 ans puis 4-21 ans. Fait que c'est sûr qu'on va être très, très jeune. Mais la chimie, elle se fait quand même bien parce que les shows quoi, se connaissent quand même très, très bien. Là, c'est un jeu, ils ont tous joué midget ensemble. Fait que, ou un contre l'autre, là, tout dépendant là, de la. Mon territoire, là, c'est deux villes là, qui jouent dans le jet, là, mais sinon, non, hein, à date, ça va très bien. On a 4 matchs hors concours de jouer, puis on a 4 victoires. Tu sais, de ce côté-là, je peux pas dire que la chimie n'est pas là. OK, OK. Donc, en match pré-saison, ça a bien été, comme ça? Oui, on s'attendait à rien. Tu sais, c'est des matchs hors concours. Puis, la force de notre équipe, on la connaissait pas encore. C'est dur à évaluer en pratique là, quand tu joues pas de match, mais je pense que on a vu de quoi on était capable. On a joué contre les Marquis de Jonquière 2 fois puis contre les Éperons de Normandin, qui avaient 2 très bonnes équipes l'année dernière. Okay. Donc cette année, nous autres, on les a battus 2 fois chaque. Fait, mais vraiment, on a quand même une très bonne équipe selon moi. Okay. C'est sûr qu'on va être rapide, puis on se présente à chaque chiffre, à chaque match. Ça va être dur de jouer contre nous. Ben Jason, premier match en fin de semaine, c'est ça? Oui, vendredi soir à Chicoutimi contre les Saguenayens. Okay. Et dimanche soir, là, on va jouer à Jonquière. OK. Donc, on s'en reparle évidemment jeudi prochain. Parfait. La chronique des Sabres d'Orberval avec Jason Lajeunesse.